Chapitre 4e. À l'assaut de l'Académie des sciences de Lyon. Ici, monsieur le président de l'Académie des sciences de Lyon fut interrompu par un grand bruit. On entendit les tambours battre et l'on mit la tête aux fenêtres. « Dieu soit loué !» s'écria le secrétaire perpétuel. « Voici la force publique qui arrive. Nous touchons à la délivrance. » En effet, 3000 personnes remplissaient la place et les rues environnantes. Une compagnie d'infanterie était à l'avant-garde et chargeait ses fusils en face du palais de l'Académie. Tout à coup, un commissaire de police, ceint d'une écharpe tricolore, s'avança, fit signe au tambour de se taire et dit d'une voix forte « Au nom de la loi, rendez-vous » « Monsieur le commissaire !» cria le président par la fenêtre, « il ne s'agit pas de nous rendre, mais d'ouvrir la porte !» Le commissaire fit signe alors à des ouvriers serruriers qu'il avait amenés par précaution de débarrasser la porte d'entrée de tous les obstacles que le portier de l'Académie avait accumulés pour barrer le passage à Louison. Quand ces ordres eurent été exécutés, l'officier qui commandait la compagnie d'infanterie cria « Apprêtez vos armes, en joue !» Et il se tint prêt à faire fusiller Louison dès qu'elle paraîtrait. « Messieurs, dit Courcouron aux académiciens, vous pouvez sortir. Quand vous serez en sûreté, je sortirai moi-même du palais, et Louison ne quittera la place qu'après moi. N'ayez donc aucune crainte. « Surtout, capitaine, pas d'imprudence !» dit le président en lui serrant la main et lui disant adieu. Les académiciens se hâtèrent de sortir. Louison les regardait d'un œil étonné et paraissait prête à s'élancer sur leurs traces, mais Courcouron la retint. Aussitôt qu'ils furent tous deux seuls dans le palais, Courcouron fit signe à la tigresse de rentrer dans la salle des séances et s'avança sur le perron pour parler au commissaire. « Monsieur le commissaire, dit-il, je suis prêt à emmener mon tigre paisiblement si l'on veut bien me promettre de ne pas lui faire de mal. » Nous irons droit au bateau à vapeur qui est sur le Rhône, et je m'engage à enfermer Louison dans ma cabine, de manière qu'elle ne pourra gêner ni effrayer personne. « Non, non, à mort le tigre !» cria la foule, qui se réjouissait déjà de la pensée de voir une chasse au tigre. « Écartez-vous, monsieur !» cria le commissaire. Courcouron essaya un nouvel effort, mais rien ne put persuader l'inflexible magistrat. Alors le malouin parut prendre son parti. Il se pencha vers Louison et l'embrassa tendrement. On eût dit qu'il lui parlait à l'oreille. « Voyons, dit l'officier, toutes ces tendresses sont-elles finies ?» Courcouron le regarda d'un air qui n'annonçait rien de bon. « Je suis prêt, dit-il enfin, mais ne tirez pas, je vous prie, avant que je sois hors de portée. Je ne veux pas avoir la douleur de voir mon unique ami assassiné sous mes yeux. » On trouva sa demande raisonnable et quelques personnes commencèrent même à s'intéresser au sort de Louison. Courcouron eut donc toute liberté de descendre l'escalier. Louison, tapi derrière la porte de la salle, le regardait s'éloigner, mais ne montrait pas la tête et semblait soupçonner le danger qui la menaçait. Il y eut un moment de terrible attente. Tout à coup, Courcouron, qui avait déjà dépassé la compagnie d'infanterie, se retourna brusquement et cria trois fois « Louison ! Louison ! Louison !» À ce cri, à cet appel, le tigre fit un bond terrible et tomba au pied de l'escalier. Avant que l'officier eût ordonné de faire feu, Louison s'élança d'un second bond par-dessus la tête des soldats et se mit à suivre au grand trot le capitaine Courcouron. « Tirez, tirez donc !» cria la foule épouvantée. Mais l'officier fit désarmer les fusils. Pour atteindre le tigre, on aurait tué ou blessé 50 personnes. On se contenta donc de suivre Courcouron et Louison jusqu'au port, où ils s'embarquèrent paisiblement, suivant la promesse du capitaine. Le lendemain, le capitaine Courcouron arriva à Marseille et attendit les instructions de l'Académie des sciences de Lyon. Ces instructions, rédigées par le secrétaire perpétuel lui-même, étaient dignes de passer à la postérité la plus reculée. Mais un malheureux accident obligea plus tard le capitaine à les jeter au feu, de sorte qu'on est réduit à en deviner le contenu par le récit même des actions du célèbre malouin. Au reste, il suffira de dire qu'ils étaient dignes de la savante Académie qui les avait envoyés et de l'illustre voyageur à qui ils étaient destinés.